nemesis, nemesis, nemesis. Figas, figas. Yeah. Mon flow à la classe comme une paire de converses. Je fais du son pour moi, pour mes potes. Peu importe si on perd, considère ce disque comme le calme avant la tempête. J'ai commencé à rapper, à écrire avec scribe. Le temps est passé vite, on a grandi. Je pense qu'il y a des opportunités qu'on n'a pas su saisir. Aujourd'hui, je suis seul avec ma zig. J'ai mal à ma plume, mon cœur est froid. Mets-lui un pull, j'arrive pas à marcher droit. En direct j'ai bu, je rappe ce texte en hommage à tout ce que j'aurais pu. Je rêve de changement, mais j'ai du mal partagé entre droit chemin et tous mes mauvais penchants. On avance comme on peut, on penche comme la tour de piste. Nos âmes sont bancales, on ramasse nos rêves en brancard. Je rapperai toujours les mêmes thèmes de façon différente. Parce que dans ma vie y'a rien qui s'arrange. Nos âmes sont belles, mais pollues par tout ce qu'on fait de mal. Comme la Méditerranée, écriture indélébile. Mes phases dans ta tête, tu pourras jamais les effacer. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Je reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir. Mon amertume, j'aurais pu appeler comme ça le skunk. J'ai faire sourire ou déprimer, je suis comme la skunk. C'est ma dernière piste. Je vous dis ciao à plus, le micro m'a saoulé. Retiens qu'on ne répare pas un cœur offert à souder. À tous les oubliés de l'état, ceux qui essayent de s'en sortir, ceux qui serrent la ceinture. À tous ceux qui se reconnaissent, j'rappe comme si c'était mon dernier jour. C'est ma dernière piste et je suis toujours debout. La dernière plage de l'album, on ne sait ce que le futur nous réserve. Peut-être rien du tout, peut-être le pactole. On espère, tout selon nos inspirations, pouvoir agir sans faire trop de concessions. Je l'ai fait pour me sentir bien, juste le sentiment d'avoir bâti quelque chose. Certes, y'a des défauts, mais c'est mon truc, le reflet de ma personne. Je veux ressembler à personne, que la batterie résonne, que mes faces te questionnent. Je plante le décor, je fais mon truc parce qu'avec le rap aujourd'hui, je suis pas toujours d'accord. Je vous laisse avec ces belles paroles. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir. Difficile de songer à bâtir son avenir. Quand on ne comprend pas le présent, on danse avec le diable, on fait des erreurs. Qu'est-ce que t'en penses? Agir dans l'urgence implique réfléchir après aux actes effectués. On porte des cicatrices, le temps passe, nos corps et nos âmes deviennent défectueux. C'est pas uniquement dans les conspirations qu'on trouvera la cause. Je crois que les solutions sont en nous, c'est à nous de faire les choses. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir. J'ai bouclé la boucle, une page de ma vie dans ce disque. Merci si t'écoutes, j'ai fait ça pour les miens. Je représente mon coin, c'est ma dernière piste. Reviendrai si le cœur m'en dit. Retiens juste que j'aspire à la sagesse de grandir.